Nicole Kidman et Colin Farrell sont tous les deux à l'affiche d'un nouveau film de Sofia Coppola, Les Proies, prix de la mise en scène quand même au dernier Festival de Cannes, un film européen. C'est l'histoire d'un soldat blessé pendant la guerre de sécession et recueilli dans un pensionnat de jeunes filles dans le sud profond des États-Unis. Et pour Franck Ferrand, c'est surtout l'occasion de nous parler de cette guerre de sécession cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La guerre de sécession s'est déroulée il y a juste un peu plus d'un siècle et demi, de 1861 à 1865, et on peut dire qu'elle a fondé la nation américaine que nous connaissons. C'est d'ailleurs un des aspects parmi tous ceux que nous aborderons tout à l'heure avec mon invité. Pour nous en parler, je reçois en effet Farid Hammer, spécialiste du sujet et notamment spécialiste de la bataille de Gettysburg, dont je vais vous raconter les soubresauts dans un instant. Et après quoi, vous recevrez le défenseur d'une autre sécession. Alors oui, là, comment vous dire? Une sécession un petit peu plus problématique, puisque mon invité Calixte de Nigremont propose le rattachement, vous êtes bien assise, le rattachement de l'Angleterre à l'Anjou. Ah bah tiens. Et non l'inverse, je précise. Le grand débat aura lieu le week-end prochain à Angers, pas celui-ci, le week-end d'après, dans le cadre du fameux festival des arts de la rue, les Accroche-Cœurs. Bon, pour le moment, Franck, nous allons traverser l'Atlantique. Oui, et nous allons le faire sur les traces de Robert Lee. Vendredi 15 mai 1863, tôt dans la matinée, un ciel bleu d'azur illumine Richmond en Virginie. Escorté par son état-major, le général Robert E. Lee trotte en direction du ministère de la guerre des États confédérés d'Amérique, droit sur son bel étalon blanc, le visage impassible, l'officier sudiste capte tous les regards des passants, plein de déférence. Certains d'entre eux ôtent leur chapeau pour saluer le héros du jour. Sanglé dans un uniforme rutilant, son épée d'apparat à la ceinture, le commandant en chef de l'armée de Virginie du Nord, à fière allure, en disciple de Napoléon, son idée fixe est de remporter une bataille décisive, raconte Farid Hammer dans Gettysburg. En ce printemps 1863, ça fait 2 ans donc que la guerre civile américaine est en train de mettre le pays à feu et à sang. Cette nation, pourtant toute jeune, est irrémédiablement scindée en 2 camps que tout oppose et qui se livrent une guerre sans merci. Alors évidemment, vous savez que d'un côté, vous avez le Nord, l'Union, Nord industrialisé, déjà modernisé, dirigé par Abraham Lincoln, évidemment. Je vois que vous suivez, Anissa. Écoutez, pour l'instant, je suis Twitter et les auditeurs qui nous écrivent nombreux. Et puis de l'autre, le Sud, resté plus archaïque, agricole, traditionnel, plus esclavagiste aussi. Dans ce Sud des Confédérés, c'est le redoutable et redouté Robert Lee qui s'est imposé comme chef militaire incontestable. On le surnomme le renard gris. Alors qui est-il justement, cet homme à l'uniforme gris et à la barbe assortie? Il est né en 1807. Il est le fils d'un héros de la guerre d'indépendance. Il a très jeune embrassé une carrière militaire. Il s'est illustré comme stratège, un stratège hors pair pendant la guerre du Mexique. Cette guerre du Mexique, c'était de 1846 à 48. Et Farid Hammer nous le dépeint comme un homme très expérimenté. Il nous parle de sa science militaire consommée, de son agressivité, de son esprit d'initiative, de son habileté tactique qui font l'admiration de tous. Lorsque la guerre de sécession a éclaté, Lee s'est rangé du côté des séparatistes. Il a rapidement pris la tête de l'armée de Virginie du Nord en remportant des batailles décisives à Fredericksburg, par exemple, ou encore à Chancellorsville. Il est admiré, cet homme-là. On peut même dire qu'il est vénéré. En sa personne, se sont cristallisés tous les espoirs de victoire du Sud confédéré, car dans cette guerre civile, sa détermination semble sans faille. Après tout, est-ce que ça n'est pas ce qu'on demande d'un chef de guerre? Le Sud se battra aussi longtemps qu'il restera un cheval capable de porter son cavalier et un bras pour brandir une épée, dit-il. Un plan pour achever la guerre est mis sur pied. On est à l'orée de l'été 1863. Lee se dit qu'il faut frapper un grand coup. Son idée, c'est de marcher avec ses troupes droit sur Washington, envahir le territoire nordiste, et pour ça, il faudra tout d'abord conquérir la Pennsylvanie. Le général Lee rassemble ses troupes. Pendant les derniers mois, son armée a subi des pertes importantes. Elle ne compte plus que 75 000 hommes valides. En face, il faut vous dire que l'armée nordiste compte quand même encore 90 000 hommes. Ça fait un déséquilibre, évidemment. Un déséquilibre qui, pense Lee, pourra être compensé par la force, par l'expérience de ces hommes, par la puissance, par l'intelligence de ces généraux, et notamment Hill et Longstreet. Longstreet surtout, cet officier à la stature imposante, toujours un cigare coincé entre les lèvres, en qui Lee a toute confiance. Lee l'a surnommé affectueusement « mon vieux cheval de guerre ». Longstreet, nous dit Farid Hammer, est un redoutable meneur d'hommes à l'autorité naturelle. C'est aussi un homme au fort esprit de contradiction. Et si je me permets de souligner cet aspect, c'est que vous allez voir que dans notre histoire d'aujourd'hui, ça va jouer un rôle important. Au milieu du mois de juin 63, sous le soleil de plomb de Virginie, dans une lumière éclatante, les troupes sont là qui se tiennent droites sur le pied de guerre, dans le cliquetis des épées au rythme des sabots des chevaux qui foulent le sol. Elles se mettent en route, ces troupes, en direction donc de la Pennsylvanie. On traverse à grands pas la Virginie, puis le Maryland, avec des routes qui sont de plus en plus tortueuses. Et pour ne pas se faire repérer par l'ennemi, chaque division emprunte un chemin différent. Il faut se dissimuler de forêt en forêt, il faut masquer le plus possible les traces de passage de tous ces chevaux. Et bientôt donc on arrive en Pennsylvanie. C'est la première fois que l'armée sudiste envahit un territoire nordiste et cette invasion se fait dans une atmosphère un peu bizarre, un peu étrange. L'accueil y est plus curieux qu'hostile. Les troupes défilent fièrement. On les juge aussi dépenaillées et crasseuses que l'armée précédente, que l'année précédente, pardon, nous dit Vincent Bernard. Bien qu'en réalité, ces troupes n'aient jamais été aussi bien équipées, préparées ni ravitaillées qu'en ces derniers jours de juin. Au passage du légendaire commandant en chef, on commande ouvertement son large cou, sa barbe uniformément blanche. Comme il vieillit, qu'à cela ne tienne, tout en arborant fièrement, ostensiblement à sa fenêtre un drapeau de l'Union, on lui réclame une mèche de cheveux, un autographe. Voulez-vous vraiment l'autographe d'un rebelle ? Général, lui, je suis un vrai unioniste et pourtant je vous demande un autographe. Vous voyez l'ambivalence qui est intrinsèque à chaque, qui est consubstantielle à chaque guerre civile du reste. C'est un peu suspect tout ça. Pourquoi pas de confrontation ? Où sont les troupes ennemies ? Lee n'a toujours pas de nouvelles de son officier parti en mission de reconnaissance. Il ne sait pas que, côté nordiste, on s'est mobilisé, et mobilisé plus que jamais. Le président Lincoln, qui vient d'apprendre cette incursion, cette invasion, a pris les mesures nécessaires. Il a placé le farouche général Meade à la tête de l'armée du Potomac en lui donnant cet ordre, détruire entièrement l'armée de Lee. Or, pour l'instant, les hommes du général Robert Lee sont loin de se douter du bain de sang qui les attend. C'est un motif étrange qui va provoquer l'étincelle et déclencher un combat que personne n'avait anticipé. C'est une histoire de chaussures. Il se trouve qu'une des divisions sudistes menées par le général Hill a entendu dire qu'il existait à Gettysburg une grande réserve de chaussures. Or, il faut vous dire que les troupes confédérées manquent cruellement de souliers. On se dit qu'après tout, on pourrait peut-être aller les chercher, ces chaussures, là-bas, à Gettysburg. Le général Lee a bien spécifié de ne pas prendre de risques, de ne pas provoquer un affrontement avec l'ennemi. Seulement, pour il est impossible que les nordistes aient déjà atteint Gettysburg. Ça paraît même pas pensable. Bon, ben, dit-il, allons-y. Allons les chercher, ces souliers. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de la guerre de sécession cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes en 1863. Vous nous racontez, Franck, la bataille de Gettysburg qui s'apprête à éclater. Alors avant que vous alliez plus loin, j'ai quand même besoin de vous pour réviser un peu mes cours d'histoire. Ah. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui avait déclenché cette guerre de sécession ? Alors, pas mal de choses, mais au centre de toutes les tensions, il y a cette question de l'esclavage. Vous savez qu'en 1808, les États-Unis ont officiellement aboli la traite négrière. Dans l'entre-deux guerre, la question de l'esclavage s'est infiltrée dans tous les débats, jusqu'à diviser profondément le pays. Les États du Nord dénoncent catégoriquement l'esclavage, tandis que les États du Sud ont plutôt gardé le modèle des plantations, donc du système esclavagiste. Or, l'élection à la présidence d'Abraham Lincoln, qui lui est un abolitionniste convaincu, on est là en novembre 1860, cette élection va mettre le feu aux poudres. La victoire de Lincoln est perçue comme une provocation dans les États du Sud et dès le 8 février 61, 7 de ces États vont faire sécession. Alors aux États-Unis, on apprend ça par cœur, hein, les petits écoliers savent Caroline du Sud, Mississippi, Floride, Alabama, Géorgie, Louisiane, Texas. rejoint en avril par 4 autres États, le Sud qui va donc former comme ça une confédération des États-Unis d'Amérique défiant l'union de Lincoln. La guerre est inévitable. Elle va commencer le 12 avril 61 quand les forces confédérées attaquent une installation militaire de l'union. C'est Fort Sumter. Et cette guerre va évidemment complètement ravager les États-Unis. Elle correspond, nous dit Farid Hammer, aux heures les plus sombres de l'histoire des États-Unis. On peut dire que Gettysburg va constituer un des aperçus les plus sanglants de cette guerre civile terrible. Lorsque la division de Hill arrive, vous savez qu'ils sont partis chercher les chaussures, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient en route. Oui. Hein. Quand ils arrivent à Gettysburg, cette petite ville à la jonction de plusieurs voies ferrées, donc on est là le 1er juillet 1863, la division Hill aperçoit sur les hauteurs de la ville la cavalerie nordiste. Ça, on ne les attendait pas là, ni si tôt, ni si nombreux. Deux brigades de l'Union sont déjà présentes. Elles sont là, hein, prêtes à faire feu. À 7h30 du matin, alors que l'air est déjà chaud, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, les premières balles fusent. Alors, est-ce que pour les confédérés, il est temps de faire demi-tour? Ben non, c'est trop tard. La division sudiste se lance corps et âme dans ce combat entièrement improvisé et c'est dans un nuage de fumée, dans une odeur de poudre terrible que les soldats sudistes vont essayer de tenir tête aux nordistes. Au cours de la journée, les combats s'intensifient dans un bruit d'artillerie. Vous imaginez les canons, les fusils, tout ça rythmé par les tambours. À Gettysburg, ce jour-là, les citadins ont cédé à la panique, note Farid Hammer. Il cite une habitante de la ville, une femme qui était là, témoin de la bataille. Les gens couraient dans tous les sens, hurlant que la ville allait être bombardée, mais personne ne savait où aller, ni quoi faire. Mon mari s'est précipité dans le jardin et a ramassé des poignées de haricots, dit cette femme, car il refusait que les rebelles ne s'emparent de la moindre cosse. Vous voyez jusqu'où peut aller quand même la haine entre les deux camps. Et dans chaque camp, on a appelé de toute urgence le reste de l'armée en renfort. Les hommes de Lee arrivent à grands pas. À la fin de cette journée du 1er juillet, alors que le silence est en train de revenir sur le champ de bataille, les sudistes sont épuisés, mais plutôt en position de force. Le reste de l'armée les a rejoints et maintenant on attend le lendemain matin pour reprendre les combats. Vous savez, ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, ça. Le lendemain donc, 2 juillet 1863, le général Lee est debout très très tôt. Bien avant le lever du soleil, il s'empresse de repérer les positions ennemies avec une longue vue dès qu'on commence à voir un peu ce qui se passe. Les soldats de l'Union se sont placés tout au long des crêtes au sud de Gettysburg jusqu'aux collines de Little Round Top et de Big Round Top. Cette journée du 2 juillet va être encore plus sanglante si possible que la première. Et de nouveau, c'est une victoire en demi-teinte pour les troupes de Lee qui parviennent à faire reculer les nordistes jusqu'à un verger, jusqu'à un champ de blé. On attaque les tuniques bleues. Hein, les unionistes sont en bleu du côté ouest des collines. Alors qu'une deuxième nuit tombe donc sur Gettysburg, on se demande combien de temps va durer cette bataille, Lee fait déjà un premier bilan. 35 000 hommes sont tombés au combat, ses propres hommes sont complètement épuisés. Alors c'est vrai qu'ils ont fait preuve de prouesse incroyable, d'un véritable génie tactique, ils ont été d'un courage inouï, mais ils sont considérablement affaiblis par ces deux jours de bataille. Et sous la tente du quartier général, jusque tard dans la nuit, entouré de ses lieutenants, Lee essaie de déterminer la suite des opérations. Est-ce qu'on peut encore envisager une retraite? Non. Tout le monde est absolument certain de ça. Si près du but, il faut persister, il faut insister, il faut porter le coup fatal. C'est en tout cas le point de vue de Lee auquel on se rallie volontiers. Lee propose un plan à ses généraux. Selon lui, l'armée nordiste est affaiblie en son centre. Eh bien, c'est là qu'il va falloir frapper violemment pour anéantir l'ennemi. Il propose une charge massive de tous ses hommes à travers cette plaine de plus de 1500 mètres qui sépare les deux armées. Le général Longstreet s'inquiète devant l'ardeur effrénée de son supérieur. Ce plan lui paraît difficile à réaliser et il essaie d'argumenter. « Mon général, j'ai été un soldat toute ma vie. Le corps de 15 000 hommes capable d'une telle attaque n'a jamais existé. » Seulement Lee n'a pas l'intention de renoncer. Il est rongé par la fièvre du triomphe, par la rage de vaincre. Lee est convaincu que son plan est infaillible. Et d'ailleurs, il charge Longstreet lui-même d'organiser l'opération. Ça, c'est peut-être l'erreur de trop. Et donc arrive le lendemain matin, une nouvelle aube. Et c'est à contre-cœur que Longstreet aligne ses hommes et que tout le monde se prépare à la grande charge périlleuse. Longstreet n'avait pas tort de s'inquiéter. Ce qu'il s'apprête à vivre est certainement l'un des plus grands massacres de la guerre de sécession. Ce qui va se passer maintenant appartient à la légende, mais c'est une légende noire ou peut-être même une légende rouge. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire des États-Unis d'Amérique cet après-midi sur Europe 1, en plein cœur de la guerre de sécession, vous nous racontez peut-être l'épisode le plus sanglant, Franck, de cette guerre de sécession, oui. Puisque nous sommes au cœur de la bataille de Gettysburg. Et nous sommes à la troisième matinée, vous imaginez ça, ce 3 juillet, hein, avec des échanges de canons, de tirs d'artillerie, jusqu'à ce que soudain, côté nord, du côté nordiste, devrais-je dire, pour être plus précis, les bombardements s'épuisent et finissent par cesser. Les nordistes seraient-ils à court de munitions ? La question se pose, bien entendu. C'est le moment ou jamais de lancer la grande charge prévue la veille. Longstreet est réticent à lancer l'assaut. Seulement, il a des ordres. Les ordres sont les ordres. Derrière lui, 13 000 soldats sont alignés sous les étendards qui flottent au-dessus de toutes les têtes. Et devant eux s'étend cette plaine qui fait 1600 mètres. Un petit peu plus de 15 heures, léger signe de tête. Longstreet vient de donner le signal de l'assaut. Gigantesque assaut. Le général Lee, lui, est resté à son quartier général. Il ne voit rien de cet affrontement qui va être terrifiant. Alors que ces hommes s'élancent à cheval à travers champs, hein, ils se précipitent vers l'ennemi en traversant le kilomètre et demi qui les sépare. D'abord au pas, puis à fond sur les 800 derniers mètres. Les tirs nordistes, qui s'étaient complètement arrêtés encore une fois, reprennent. Et ils reprennent avec une violence inouïe. Les confédérés n'étaient plus qu'à une centaine de mètres de l'ennemi. Et là, ça va être vraiment un massacre. En une demi-heure, tout le monde tombe décimé par cette espèce de feu du ciel. Très rares sont ceux qui vont arriver parmi les sudistes à se frayer un chemin entre les corps ensanglantés jusqu'aux lignes ennemies. C'est un massacre sans pareil. Vers 19h, le général Lee se rend sur le champ de bataille. Et là, il peut mesurer l'étendue du désastre. Son plan ne pourrait pas avoir davantage échoué, ce n'est pas possible. Dans le soleil, la lumière qui maintenant décline, il traverse à cheval le lieu du carnage. Il faut imaginer ce champ devenu rouge de sang. La scène ressemble à une scène d'apocalypse, sans montrer un seul signe de faiblesse, de regret ou de dépit. La tête haute, Lee continue d'encourager, de réconforter ses hommes. « Ne vous inquiétez pas, vous avez fait tout ce qui était possible. Tout cela est ma faute, dira-t-il. » Parmi les milliers de soldats blessés gisant entre les lignes, l'un d'eux se redresse au passage du renard gris, nous raconte Vincent Bernard. Son « Hurrah pour l'Union » résonne comme un défi. Lee s'arrête, descend de cheval, s'approche du fantassin à l'uniforme bleu maculé de sang, saisit sa main, le fixe d'un regard triste et compatissant. « Mon garçon, dit-il, j'espère que tout ira bien pour toi. En ce soir » du 3 juillet 1863, Lee entame la retraite et sur le chemin du retour, un des colonels qui l'accompagne se tourne vers lui. Vous avez eu une dure journée, général. Lee reste un moment comme ça sans répondre et puis il répond « Triste, très triste jour, oui, quel dommage !» Mais nous ne pouvons nous attendre à toujours obtenir la victoire. C'est le moins qu'on puisse dire, mon général. Je suis ravi maintenant d'accueillir notre auteur, Farid Hammer, auteur donc de Gettysburg, du 1er au 3 juillet 1863, chez Talandier, le choc de la guerre de sécession. C'est un choc que j'ai raconté d'un seul côté, moi, Farid Hammer. C'est-à-dire que j'ai raconté les choses du point de vue de Lee, de ses troupes, du point de vue des sudistes. Que se passe-t-il dans la tête des nordistes, en face, dans le camp d'en face ? Écoutez, c'est la panique, bien évidemment. Alors, pour être tout à fait exact, c'est pas la première fois que Lee envahit le territoire de l'Union. Il l'avait fait l'automne précédent, en septembre 1862. Il avait franchi le Potomac, qui était un petit peu la ligne de démarcation entre les États du Nord et les États du Sud. Et je dirais que cette fois-ci, Lincoln est en grande difficulté, hein, puisque vous avez cité la bataille de Chancellorsville, mai 1863, la bataille de Fredericksburg, qui a été un désastre aussi pour le Nord en décembre 1862. Et cette fois-ci, Lincoln est dos au mur. Et c'est pour ça qu'il est en difficulté. C'est pour ça que les sudistes se sentent sinon invulnérables, disons qu'ils se disent qu'ils sont dans une bonne passe, qu'il Absolument. Faut en profiter pour envahir le Nord, en fait. Absolument. Hein. L'armée sudiste, depuis pratiquement un an, a l'initiative stratégique et à l'ascendant moral, et vraiment Lee a très très envie d'exploiter ses précédents succès pour porter ce coup décisif. Alors j'ai envie de vous poser la question, et on va revenir sur un certain nombre de détails. Ça fait plus de 50 000 morts quand même, hein, cette bataille de Gettysburg. 51 000 hein. Morts, blessés. Pertes, voilà, sont des pertes, voilà. En fait, où il y a beaucoup de blessés dans le nombre. Prisonniers, portés disparus. On peut se demander si Lee n'a pas été aveuglé par ses succès précédents et s'il n'a pas été trop loin. C'était un jusqu'au boutiste, le général Robert Lee. Disons que le général Lee s'est dit c'est le moment ou jamais, parce que là vraiment il était dans une bonne passe. Jamais à ses yeux ces hommes n'ont été aussi forts. Il ne savait rien d'impossible et il savait que ces hommes le suivraient partout. Donc on peut dire que effectivement Lee a été un petit peu entraîné par cette bonne passe et qu'il avait vraiment envie de détruire l'armée nordiste en une seule bataille. Cette recherche, encore une fois, de la bataille d'anéantissement qui s'est transformée en désastre pour lui. En quelque sorte, un excès de confiance en lui et en ses troupes. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur l'ensemble de la guerre de sécession, parce que même si c'est un chapitre très important de l'histoire contemporaine, il faut bien dire que de ce côté-ci de l'Atlantique, nous ne savons pas grand-chose de cette guerre. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'occasion de la sortie du dernier film de Sofia Coppola qui s'appelle Les Proies, avec entre autres Nicole Kidman, un film qui a reçu le prix de la mise en scène au 70e Festival de Cannes, nous nous intéressons cet après-midi à la guerre de sécession. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est un succès fou. Hein. Exactement, vous êtes très nombreux à nous parler du général Lee sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Et nous allons plus loin avec votre invité, Franck, qui est historien, spécialiste des États-Unis, Farid Hammer, qui est également l'auteur des Français dans la guerre de sécession, paru aux presses universitaires de Rennes. Qui étaient-ils ces Français, Farid Hammer ? Expliquez-nous ça. Alors c'est vrai que c'est un fait assez peu connu. J'ai consacré ma thèse de doctorat qui a été publiée effectivement l'année dernière. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la veille de la guerre de sécession, il y avait 100 000 Français qui vivaient aux États-Unis. Mm-hmm. Donc ça n'est pas d'aujourd'hui hein, la forte émigration française aux États-Unis, avec des foyers de peuplement assez éclatés. Il y en avait en Louisiane, un petit peu au Texas, surtout dans le New York, en Pennsylvanie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Français vont prendre part à la guerre de sécession. À peu près 12 à 15 000 hein, d'après les meilleures estimations. Il y a eu des régiments nordistes, une brigade française à la Nouvelle-Orléans notamment. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur le remake un petit peu de la guerre d'indépendance, c'est une nouvelle guerre d'Amérique, et bien on a des Français qui viennent d'Europe pour offrir leur épée, les uns pour servir la Confédération et les autres pour offrir leur épée à Abraham Lincoln. Alors nous avons revécu, si je puis dire, et à grands traits bien sûr, cette terrible, sanglante, très longue, interminable bataille de Gettysburg, donc en juillet 63, 1863. Est-ce qu'on peut dire de cette bataille qu'elle est en quelque sorte un tournant dans la guerre de sécession ? Alors, je ferai une réponse de Normand, oui et non. Alors, d'un point de vue symbolique, oui, c'est pour moi le tournant de la guerre de sécession. Donc, cette bataille fratricide a lieu exactement 2 ans après, au plein milieu de la guerre de sécession, donc en 1863. Ah, c'est vraiment. Alors, pour la première fois, donc l'armée du Potomac, hein, la principale armée opérante nordiste sur le front de Virginie, va remporter un gros succès et va se dire non, Lee n'est pas imbattable et du coup. Lee, lui, quand il va faire sa retraite, il va être obligé, lui, le partisan de l'offensive à outrance, va être obligé de se rallier à une stratégie beaucoup plus défensive, parce qu'il a quand même perdu 28 000 hommes, donc pratiquement le tiers de son armée d'invasion. Voilà. Alors après, militairement, c'est vrai qu'on a les yeux un petit peu rivés sur ce qui se passe en Virginie. Hein. Je rappelle que les deux capitales rivales, Richmond et Washington, ne sont distantes que de 160 km kilomètres l'une de l'autre. Donc effectivement, le nord de la Virginie va constituer l'épicentre des combats. Mais il y a aussi le front de l'ouest. Et qu'est-ce qui se passe pendant la bataille de Gettysburg? Donc au début juillet 1863, eh bien, on a un homme nouveau. C'est lui qui va conduire d'ailleurs plus tard les armées de l'Union au succès. C'est le général Grant. Et le général Grant réussit à emporter, à enlever la citadelle de Vicksburg qui permet donc aux nordistes donc de contrôler l'ensemble du cours du Mississippi et de couper la Confédération en deux. Et cela va donc préparer le terrain à l'invasion au cœur du territoire confédéré. Oui, donc en fait, c'est quand même le grand basculement de la guerre, hein. C'est le retournement de situation. On comprend pourquoi Gettysburg a comme ça cristallisé la tension. D'abord, la violence et la durée des combats, le caractère héroïque d'un certain nombre de charges, bien sûr. Oui, énormément d'images d'Épinal. Et puis, comme souvent, ça fait penser à Azincourt, si je puis dire, pour parler d'une toute autre bataille dans une toute autre époque, ce n'est pas le favori qui l'emporte. Non. C'est-à-dire que les confédérés, les gens du Sud, les sudistes, avaient théoriquement l'avantage. Ils étaient à l'initiative, ils étaient en pleine invasion. Ils étaient plus expérimentés, plus motivés, semble-t-il, que les unionistes au Nord, même s'ils étaient un peu moins nombreux. Et finalement, c'est l'Union qui l'emporte, qui renverse la vapeur. On comprend que ça fasse sens et que ça devienne un symbole. Finalement, Gettysburg est un symbole de la guerre de sécession. Et d'ailleurs, Lincoln lui-même ne s'y trompe pas en se rendant donc à Gettysburg en novembre 1863 pour l'inauguration du cimetière militaire et qu'il prononce son fameux discours de Gettysburg. Ce Gettysburg adresse que des générations et des générations d'écoliers américains apprennent par cœur. Alors, Gettysburg, c'est donc juillet, 1er au 3 juillet 1863. Si l'on devait faire ensuite ce qui va se passer dans la guerre, dans la guerre de sécession, quelles sont les grandes étapes, si je puis dire, jusqu'à la fin, après Gettysburg? Alors, je dirais que sur le front de Virginie, encore une fois, Lincoln va faire encore une fois un excellent choix. C'est d'appeler donc cet homme de l'Ouest, Ulysse Simpson Grant, à la tête des armées fédérales. Donc il va devenir, si vous voulez, le grand connétable des armées de l'Union. À la fin de la guerre, il commandera jusqu'à 500 000 d'hommes quand même, rendez-vous compte. Et c'est Grant qui va réussir à mener une stratégie d'usure, à tenir tête à Robert Edward Lee. Alors, les deux hommes vont se livrer en duel de géants en Virginie avec énormément de batailles très très meurtrières. Et finalement, donc, Grant va réussir à emporter donc à Appomattox Court House, le lieu de la reddition, le 9 avril 1865. Mais dans le même temps, effectivement, l'ancien lieutenant de Grant, donc Sherman, va ravager le Sud. Il va prendre Atlanta le 1er septembre 1864 et puis il va entamer, ses colonnes infernales vont entamer cette fameuse marche vers la mer, qui est l'une des campagnes les campagnes militaires les plus féroces jamais vues sur le continent nord-américain. Vous avez donc évoqué le général Grant. Nous avons brossé un portrait peut-être un peu rapide du général Lee. J'ai dit un mot d'Abraham Lincoln. Il faudrait qu'on parle aussi de Jefferson Davis, qui est lui le patron du Sud, si je puis dire, le président de la Confédération du Sud. Nous revenons, si vous le voulez, avec vous dans un instant sur toutes ces grandes figures de la guerre de sécession. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous allons découvrir les grandes figures de cette guerre de sécession en Amérique avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Farid Hammer, il est historien et spécialiste des États-Unis. C'est vrai, vous avez raison, nos auditeurs sont nombreux à suivre ça et à commenter. Aurélie notamment dit « Ah, ça me fait toujours penser à Autant n'emporte le vent ben », voilà. Le beau roman de Margaret Mitchell et le film fantastique avec Vivian Leigh et Clark Gable. Évidemment, ça c'est la grande légende, c'est là encore le point de vue sudiste. Comment expliquer d'ailleurs que la guerre qui n'allait pas du tout dans le sens de l'histoire, que la guerre d'un autre temps, si je puis dire, de la Confédération du Sud, et comme ça enflammé l'imagination des romanciers, Farid Hammer. Alors, je dirais essentiellement parce que nombre de sudistes n'ont pas accepté la défaite et ont entretenu pendant des décennies, ce qu'on appelait le mythe de la cause perdue. Donc ils ont un petit peu romancisé leur défaite, c'est la romance du Sud qui se retrouve effectivement dans plusieurs productions cinématographiques, Naissance d'une Nation aussi, 1915 de Griffith, Et puis, évidemment, l'inoubliable Autant l'emporte le vent de Victor Fleming. Joël va tout à fait dans le sens de ce que vous nous disiez tout à l'heure. On ne retient que Gettysburg, dit-il, mais il faut se rappeler surtout les batailles d'Antietam, de Fredericksburg et de Chancellorsville. Vous étiez entièrement de cet avis, hein, je le précise, et vous n'aviez pas pour autant lu l'avis de monsieur de Joël, en l'occurrence. Ces grandes figures de la guerre de sécession, alors il y a les grandes figures militaires, les grands chefs, hein, donc Lee d'un côté, Grant de l'autre. S'il fallait les définir en quelques mots, ces deux grands patrons, alors le général Lee, on l'a vu, est quand même un entêté. C'est un coriace, si je puis dire, et à Gettysburg, il porte une responsabilité assez lourde. Oui, mais alors à sa décharge, si j'ose dire, alors on va encore dire qu'on est partie prenante, je dirais que Lee n'était pas en mesure de juger la situation avec sa clairvoyance habituelle, puisque vous l'avez relevé tout à l'heure, il n'a pas forcément été très très bien secondé par ses subordonnés, et en particulier par son bras droit, hein, Longstreet. Et deuxièmement, il n'avait pas sa cavalerie, c'est qu'il a appelé affectuellement, qu'il appelle la cavalerie du général Stuart, qui était parti exécuter un raid tout autour du Maryland. Donc, il n'avait pas les yeux et les oreilles de son armée. Donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il n'a pas choisi de livrer bataille à Gettysburg. C'est vraiment le choc des deux avant-gardes qui a fait que la bataille s'est généralisée. Mais Lee n'avait aucune idée. Il a été entraîné sur un terrain d'opération qui n'était pas celui qu'il avait choisi initialement. Absolument, absolument. Il n'avait aucune idée aussi des forces. Des forces qui étaient en face de lui, et surtout à la fin, je pense que ça explique beaucoup aussi sa décision de lancer cette extraordinaire charge frontale le dernier jour. Le premier jour, il tâte la droite de la ligne adverse. Le deuxième jour, il essaye du côté gauche, ça marche pas, et là c'est là qu'est l'ennemi, avec une intense préparation d'artillerie et évidemment avec le succès. Oui, on a vu le résultat. Avec le résultat qu'on sait. L'échec absolument terrible et sanglant. Alors, l'autre grand chef militaire qui va apparaître par la suite, donc Grant, le chef de l'Union, par rapport à Lee, comment est-ce que vous le définiriez, lui, quelle personnalité est-ce ? Le parfait contraire, tout simplement. autant Robert Lee, c'est vraiment le gentleman sudiste par excellence, qui forme une figure aisément reconnaissable avec sa haute taille, barbe grise, son port altier, presque une statue, etc. Il est l'héritier des premières grandes familles de Virginie. Lui-même, d'ailleurs, cultivait savamment ses origines aristocratiques. Il a hérité notamment de la belle demeure à Colonnade de Darlington, que tout le monde connaît. Il a épousé une arrière-belle petite fille de George Washington, c'est pas rien quand même. Tandis que le général Grant, lui, c'est le fils d'un modeste tanneur de l'Ohio qui est passé par l'académie militaire de West Point et que l'ivrognerie notamment a rendu à la vie civile, et il a repris un petit peu il a repris du service au début de la guerre de sécession, et d'ailleurs il va s'enivrer de temps en temps, mais quand même Lincoln va lui faire confiance, hein, d'ailleurs on lui prête cette fameuse remarque, oui je sais il boit, mais Grant sait se battre, et si je connaissais sa marque de whisky, j'en offrirais à tous mes généraux. Alors du point de vue politique, évidemment Abraham Lincoln, le président de l'Union, est le grand vainqueur, si l'on peut dire, de cette guerre de sécession. Sauf que il va le payer de sa vie, hein, puisqu'à peine réélu, au moment où il reçoit la reddition, il vient d'être réélu, mais il va être assassiné très peu de temps après. Donc il est assassiné le 14 avril 1865, donc 5 jours seulement après la capitulation du général Lee, donc dans sa loge du théâtre Ford, vainqueur de Washington, où il voulait justement savourer son triomphe. Alors ça, j'ai souvent raconté ça, bien entendu, et on a beaucoup parlé de Lincoln dans cette émission. Celui dont on ne parle jamais, c'est le président de la Confédération, Jefferson Davis. Qui est-il, lui ? Alors, Jefferson Davis, comme Lincoln, il est né dans le Kentucky. Il est sénateur du Mississippi à l'origine. Il a été ministre de la guerre sous l'administration du président Pierce. Et donc c'est à lui qu'on va faire appel au moment où, au lendemain de l'élection d'Abraham Lincoln, les États sudistes vont faire sécession, c'est-à-dire qu'ils vont proclamer l'Union dissoute et vont former une confédération, donc la fameuse Confédération des États du Sud. Merci beaucoup Farid Hammer. On pourrait parler longtemps de cette guerre de sécession, bien entendu. Je renvoie nos auditeurs aux ouvrages d'André Caspi, de James McPherson, à votre que sais-je, hein, sur la guerre de sécession. Et puis, vous avez aussi écrit La guerre de sécession, image d'une Amérique déchirée. Ça, c'était en 2011 chez François Bourin. Et puis, je rappelle, votre ouvrage sur Gettysburg, pour ceux qui voudraient revivre la bataille de l'intérieur d'une certaine manière, dans la collection L'histoire en bataille chez Talendier de Farid Hammer, donc Gettysburg. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors depuis 14 heures, Franck Ferrand vous plonge au cœur de la guerre de sécession. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Europe 1 est partenaire d'un excellent film. Notre invité Farid Hammer a validé ce film, hein, puisqu'il a été le voir. Ce film, c'est Les Proies, le dernier film de Sofia Coppola, avec Colin Farrell et Nicole Kidman. Il est au cinéma depuis le 23 août. Elle est incroyable. Elle est excellente, comme d'habitude, Nicole Kidman. Et ce film a eu le prix de la mise en scène au 70e Festival de Cannes. Bien sûr, on vous le recommande. Alors, des États-Unis à l'Anjou, il n'y a qu'un pas, puisqu'on va parler d'une autre sécession avec Vanessa Zah, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1, que vous retrouvez dans les escapades culturelles tous les week-ends, le matin, et Calixte de Nigremont, qui est maître de cérémonie du Festival des Arts de la Rue, les Accroche-Cœurs, les 8, 9 et 10 septembre prochains à Angers. Bonjour Calixte. Bonjour ami, bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Alors, c'est une sécession, parce que là, jusqu'ici, on parlait de petites sécessions. Oui. Parlons de la grande affaire. La sécession majeure, vous là, voulez dire. Là, ça ne rigole plus. Non, c'est ça. Puisque vous proposez carrément la sécession de l'Angleterre et le rattachement de l'Angleterre à l'Anjou. C'est bien ça, si j'ai bien compris. En gros, l'Angleterre a déjà quasiment fait sécession avec l'Europe. Voilà. Nous proposons une sortie honorable, parce que manifestement les Anglais... Avec l'Europe, l'Union Européenne. L'Union Européenne, oui. D'accord. Et donc, comme il semble que les Anglais aient un peu quelques regrets, nous leur proposons une porte de sortie honorable, c'est-à-dire le rattachement de l'Angleterre par la réunification, à l'Anjou, par l'unification de l'Empire Plantagenet. Vous ne parlez pas du Royaume-Uni, vous parlez bien de l'Angleterre. L'Angleterre, oui, toute voilà. L'Angleterre, bon. Rien que l'Angleterre. Alors, tout ça s'appuie quand même sur des éléments historiques, parce que nous sommes au cœur de l'histoire, donc je crois qu'il faut rappeler ce qu'a été l'Empire Plantagenet. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur Ferrand. L'Empire Plantagenet, pendant 60 ans, réunit un territoire gigantesque de 1154 à 1214, qui va de... C'est-à-dire pendant un demi-siècle, hein, quand même. Oui, 60 ans un même. Un bon demi-siècle. C'est ça. Qui va des frontières de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à la Méditerranée. Placé sous l'autorité des Plantagenets, avec comme capitale pour l'ensemble de ce territoire, Angers et l'Anjou. Merci Aliénor d'Aquitaine, dans l'occurrence. Oui, c'est vrai qu'elle nous a apporté deux, trois trucs. Oui, on peut pas cracher là-dessus, alors, évidemment. Du point de vue d'un angevin comme vous, c'est un âge d'or, finalement, cette fin du XIIe siècle. Hein que nous, dont nous appelons le retour à grand cri, vous l'aurez compris. Et donc c'est pourquoi nous organisons une manière comme ça de réunification de cet empire Plantagenet. Alors, cette réunification suppose quand même l'accord des populations, j'imagine ? Alors, D'abord l'accord de la population angevine. Bah, c'est-à-dire que pour être sûr de ne pas heurter et froisser les Anglais par la suite, il vaut mieux d'abord demander aux Angevins s'ils acceptent que nous rattachions l'Angleterre à l'Anjou. Et une fois que les Angevins auront validé par un oui franc et massif... Mais un oui à quoi ? Vous allez faire un référendum ? C'est un référendum qui aura lieu. D'accord. Donc les 8, 9 et 10 septembre prochains, avec comme question, approuveriez-vous le rattachement de l'Angleterre à l'Anjou ? Oui, non. Nous espérons que les Angevins se prononceront pour le oui, et après les Anglais feront ce qu'ils voudront, mais ce qui serait bien c'est qu'ils organisent eux-mêmes un référendum. Je me permets de rappeler qu'il y a quelques années vous aviez déjà demandé le rapatriement des joyaux de la couronne d'Angleterre. Oui, hein. Puisque les Tudors dont descend la reine Elisabeth ayant assassiné le dernier des Plantagenets, nous les héritiers moraux des Plantagenets, c'est-à-dire les Angevins, s'estimaient assez fondés à réclamer le dépôt des joyaux de la couronne d'Angleterre en Anjou. J'aime autant dire que ça n'a pas été couronné de succès, mais ça ne nous a pas désespéré, la preuve. On peut venir assister à cette grande votation angevine. C'est donc pas ce week-end, c'est le week-end suivant. Hein, voilà. Il y a une grande manifestation qui est organisée pour encourager les gens à voter oui. Il y a un grand débat pour confronter les points de vue. À voter oui. Hein. Et alors, il y aura peut-être des noms, mais on n'est pas sûr. Et ça, ce sera à Angers même. Ce sera à Angers même. Vous comprenez pourquoi Vanessa est venue avec quelques bonnes adresses d'Angers. Bonjour Vanessa Zah. Bonjour Franck. Vous serez présente, vous? Je veux bien tenir un bureau de vote aussi, si vous voulez. Je vous prends comme assesseuse. Est-ce qu'on peut voter si on n'est pas angevin? Oui, parce que le truchement d'une page Facebook, on pourra voter même si on est angevin expatrié. Vous voyez. D'accord. Alors, quand on aura fini de voter, qu'est-ce qu'on peut voir à Angers, Vanessa? Alors, vous parliez de l'âge d'or, évidemment, de cette dynastie des Plantagenets. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'a fait Henri II, il a fait énormément de choses. Donc, pour l'Anjou, il a développé la vie urbaine, le commerce en entretenant les routes, la culture de la vigne. Il a surtout fortifié des châteaux sans arrêt. Il a fait construire des ponts comme celui de Chinon. Et puis des prieurés, des monastères comme celui donc de Chartreux. Des abbayes, évidemment, comme l'abbaye de Fontevraud. On y reviendra tout à l'heure avec Lorena. Mais il y a quelque chose de très représentatif, en fait, dans toute cette architecture, ce patrimoine plantagenais. Ce sont ces fameuses voûtes angevines qui marquent la transition entre l'art roman et l'art gothique. Ah, mais ça, c'est fondamental, voilà. Oui. Donc, c'est un le art... Le gothique plantagenais. Exactement. Alors, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, justement, il faut aller dans l'ancien hôpital Saint-Jean d'Angers, qui a été construit à la demande d'Henri II. En plus, c'est quand même le plus vieil hospice de France. Et c'est un des plus anciens témoins de l'architecture hospitalière. Quand vous dites Henri II, il s'agit bien d'Henri II plantagenais, hein, bien entendu. Tout à fait, on est d'accord. Et alors là, vous allez comprendre que ça prend tout son sens quand vous pénétrez donc dans cette immense salle qui fait 60 mètres de long et presque 23 de large, 12 mètres de haut. Et là, quand vous levez les yeux au ciel, vous êtes complètement aspiré, puisque vous êtes dans une triple nef qui est donc voûtée, évidemment donc à l'angevine, avec donc en fait elles sont les arcades sont donc bombées avec donc des nervures, voilà. On peut visiter dans cet ancien hôpital ce qu'on appelait l'apothicairie, c'est-à-dire l'ancienne pharmacie, qui est un vrai chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, il y a des choses insolites comme un petit pot particulier qu'il ne faut pas rater. Ah oui, mais oui, puisqu'il pèse presque 400 livres et en fait c'était une décoction de 70 ingrédients. On voulait être sûr qu'au moins un ingrédient donc, puisse être efficace. Vous allez 400 voir. Livres, c'est-à-dire 200 kilos à peu près. Oui, à peu près. Oui. Et il y a une chose à voir dans cet ancien hôpital, c'est le musée Jean Lursa, pour ceux qui aiment l'art contemporain, l'art moderne, je ne sais pas comment on dit. La tapisserie moderne. Ce grand tapissier, hein, Jean Lursa, très flamboyant, très étonnant. Voilà, et donc avec cette tapisserie s'appelle donc le chant du monde et en fait qui fait écho à l'apocalypse que vous trouvez dans le château d'Angers. On va revenir dans deux secondes. Et oui, la tenture de l'apocalypse qui est la grande tenture médiévale. La grande tenture médiévale. Et donc il a voulu en faire écho. Il a été complètement subjugué quand il avait vu l'apocalypse et donc il a fait son chant du monde et qui fait aujourd'hui 80 mètres de long. Au début, elle devait faire 125 mètres, mais le pauvre Jean Lursa est décédé entre temps. Et donc, maintenant, on va au château d'Angers pour découvrir, pour en effet, l'apocalypse. D'un tout autre, alors là, on peut dire d'une toute autre échelle. Hein. Une toute autre échelle. C'est gigantesque, la tenture de l'apocalypse. 103 mètres de c'est long. C'est magnifique. Hein. 4,5 de large, elle a quand même presque 600 ans. Alors, il y a tout un cérémonial hein, pour aller la voir, parce que c'est un peu un parcours du combattant. D'ailleurs, pour y accéder, vous passez sous le châtelet qui a été édifié par le roi René en 1450. Et puis là, vous êtes obligé de passer par un sas de dépoussiérage pour rentrer dans cette immense salle qui est assez sombre. Il y a simplement des lumières qui sont adaptées évidemment pour mettre en valeur les tapisseries sans les abîmer. Il faut quand même imaginer que ça représentait quand même 7 ans de travail. Oui. Voilà. Et il y a malheureusement au XVIIIe siècle des chanoines qui avaient récupéré donc dans la cathédrale Saint-Maurice et ben cette fameuse apocalypse, qui n'ont pas vraiment mesuré finalement la puissance de cette œuvre, qui est un peu gênée parce que ça calfeutrait leur voix. Et alors ils ont décidé en fait de vendre des petits bouts. Il a fallu la reconstituer. Et il a fallu la reconstituer. C'est un chanoine, le chanoine Joubert. J'ai eu l'occasion déjà de dire ça à ce micro. C'est un des grands trésors du patrimoine français. Si vous avez l'occasion d'aller à Angers, ne serait-ce que pour assister au Festival des Arts de la Rue, les Accroche-Cœurs, dont Calixte de Nigremont est le maître de cérémonie. Si j'ai bien compris, un maître de cérémonie très engagé dans la cause de la sécession anglaise. Il faut bien reconnaître que je suis angevin, donc je suis un peu engagé dans l'affaire. Voilà, évidemment. Eh bien, n'hésitez pas à vous rendre évidemment au château d'Angers, voir cette merveilleuse tenture. Merci infiniment, chère Vanessa. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et voici Lorena Martin avec une adresse qui ne nous emmène pas dans la guerre de sécession américaine, mais bien dans cette nouvelle guerre de sécession plantagenais. Que c'est dans les environs d'Angers que vous êtes allé chercher l'adresse d'aujourd'hui. À l'abbaye de Fontevraud. Abbaye royale de Fontevraud, bien merveille. Bien sûr, donc dans l'une des plus grandes abbayes d'Europe de 13 hectares dont Vanessa a parlé. Et tout d'abord, en fait, Fontevraud, l'hôtel qui est situé au cœur de l'abbaye royale, dans le prieuré Saint-Lazare. Mmh. En fait, autrefois, c'était dédié au repos des religieuses en charge des lépreux avant de devenir une maison de convalescence, puis une infirmerie de prison. Et aujourd'hui, c'est devenu un hôtel 4 étoiles qui marie très bien ce passé monastique et la modernité du Moi, j'ai eu l'occasion d'y résider. Mais c'est vraiment très étrange parce qu'il y a un mélange complet entre l'atmosphère générale qui est immémoriale, qui est médiévale, disons-le, des charpentes absolument sublimes, cette pierre de tuffeau absolument merveilleuse, et puis un art contemporain très présent, mais qui s'inspire de ce qu'on faisait autrefois dans les abbayes. Hein. Exactement, et tout ce luxe, en fait, est dans la qualité des matériaux nobles, ce mobilier élégant, épuré, le chêne, le lin, des tons de gris, écru, etc. Il y a même la literie qui a été conçue spécialement pour cet hôtel, et à la nuit tombée, en fait, les hôtes peuvent arpenter l'abbaye royale et s'immerger dans cette atmosphère sereine, etc. Ils sont très penchés aussi sur la modernité, puisque ils ont un ibar, et toutes les tables sont d'immenses écrans tactiles, en fait. Un ibar, en fait, c'est un bar, et en fait, ouvert à tous les visiteurs, dans la chapelle du prieuré, et toutes les tables sont d'immenses écrans tactiles, une sorte de médiathèque digitale avec des photos, l'histoire de Fontevraud, etc. pour les visiteurs. Vous m'en direz tant. Merci beaucoup. Merci Lorena. Je fais rire tout le monde en posant mes questions, mais... À demain, chère Anissa. Merci beaucoup. À demain, Franck, on se retrouve demain à partir de 14h où vous nous ferez revivre le procès de Jeanne d'Arc. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.